Quelques jours ça fait longtemps que le soleil est couché. Quand on sort toi et moi, se mêler aux passants. 8 heures de notre vie, c'est ce qu'on nous a volé. Mais il nous en reste encore, on va pas les laisser filer. La nuit ne finissait pas, et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule. On danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Rien n'est jamais pareil, tu sais, dans l'obscurité. Tout se confond et tout se mêle, on peut se laisser aller. On s'invente un futur, on oublie le passé. C'est quoi encore? Pour nous, tout va changer. Et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule, on danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Tous ces mensonges et tous ces rêves, tu les connais tout comme moi. Tous ces mensonges et tous ces rêves, si tu y crois, je crois en toi. Dans notre sang, la même sève, le même espoir. Tiens, je reviendrai. Ou au signal de Radio Rebelle, à la son du ciel, on ira. Et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule, on danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Salut tout le monde, vous écoutez Sous pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 à Yellowknife. Et je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais faire jouer du punk rock, du ska et du hardcore, tout en français. Alors, ça sera une excellente émission. Ça, je vous le garantis. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais m'excuser. Je vais vous offrir mes excuses personnelles. Sous pression à commercial.chary.fm. Ou si vous voulez me dire bonjour, tu sais, salut Mathieu, comment ça va, tu sais, vous avez des demandes spéciales, des commentaires, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à la même adresse, sous pression à commercial.chary.fm. Alors, je continue maintenant avec une autre chanson par un excellent groupe, le groupe s'appelle Akuma. Vous les connaissez sûrement, et sinon, vous allez les connaître parce que je vais vous faire jouer une de leurs chansons. Alors, je vais jouer la chanson Dernière Danse, c'est la première chanson tirée de leur album Descendre et du désespoir. Alors, voici Akuma à sous pression. Thank you. prochaine chanson, je la dédie à tous les travailleurs et travailleuses de poste. Voici Notre jour viendra par Brigada Flores Magog. This is Emily Claire Barlow, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Turn on!

C'était Hors Contrôle avec Face au Destin ici, ici à Sous Pression, zone de CHR Y, 105.5 FM à Toronto, ici VR 103.5 à Yellowknife. Avant ça, on écoutait, qu'est-ce qu'on écoutait? Avant ça, on écoutait No Class avec Tous ces cons. Avant ça, c'est Jeunesse Apatride avec Terre d'accueil tiré de leur album L'Arme au Point, Les Bons à Rien. Avant ça, avec Et maintenant, de leur album Rage. Et on a commencé le tout avec Les Esclaves Salariés et leur chanson, la chanson du Rabat tirée de l'album Ça augure mal. Alors, on est à mi-chemin de l'émission, là, plus ou moins, étant que je vous rappelle que vous pouvez visiter, que vous pouvez écouter l'émission ou les épisodes de l'émission à partir du site web de l'émission sur le www.souspression.wordpress.com si vous voulez explorer ce qu'on a fait dans les semaines précédentes. Ben, en fait, depuis presque dans la dernière année, ça fait un an environ qu'on archive les émissions de Sous Pression. Alors, vous pouvez tout écouter ça à partir du site web www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter ou télécharger ça gratuitement. Comme j'ai dit au début de l'émission, si vous voulez nous contacter par courriel, c'est le souspression@chry.fm, souspression@chry.fm. Et aussi, on est aussi, bien sûr, sur Facebook, comme 99.999% du monde. On est sur Facebook, faites une petite recherche Sous Pression, CHRY 105.5 FM et vous allez trouver la présence Facebook de Sous Pression. Alors, j'ai fait mon quota de parlage et je vais continuer tout de suite en musique. Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? J'ai une chanson par Guérilla Poubelle de leur album Il faut repeindre le monde en noir. Voici Culture Poubelle avec une petite introduction mélodique qui vous rappelle de vos années, vous avez, de toutes les Noëls, vous êtes allé à l'église avec vos parents et vos grands-parents. C'est nostalgique, non? Mais la voici Guérilla Poubelle. Votre sous-culture plastique, je ne connais rien aux règles, je me fous de votre esthétique. Tu parles la nouvelle star des cons, j'ai jamais entendu son nom. Consommation de masse, c'est la lutte des pétasses. On recherche l'authentique, le vrai, pas le merdique. Sauf et ça, on m'a dit que c'est mieux quand ils sont forts et caoutchoutés. Si c'est vous la culture, nous sommes la guérilla. Si c'est vous notre futur. Yeah. c'était Brixton Cats avec Pour vie de leur album éponyme sorti il y a déjà quelques années. Là, ça fait déjà au moins 5 ans que c'est sorti. Mais ça fait aussi longtemps que j'en entends parler de que le groupe est en train d'enregistrer du nouveau matériel. Je ne sais pas s'ils planifient de sortir quelque chose bientôt. J'espère que oui. En tout cas, c'est un excellent groupe. Avant ça, on a écouté plein de chansons. On a écouté Salvation City Rockers avec Rage et Liberté. Avant ça, c'était Gerbia avec La Mutinerie. Avant Gerbia, on écoutait Bonne Journée avec leur chanson 80% sourd, une chanson de série de leur album Vous Souhaite Une. On écoutait avant ça deux chansons par les ordures ioniques, Paranoia dans l'irréalité et La Saga des ordures, les deux chansons de série de l'album. Je m'en viens sous un album, je pense qu'ils ont sorti en 98, si je ne me trompe pas. Le groupe Les Ordures Ioniques, j'ai eu la chance de les voir une ou deux fois. C'était un excellent groupe. Je ne sais pas ce que les membres du groupe sont en train de faire en ce moment, mais je sais pas. Bien, on a commencé le gros dernier bloc avec Guerrier Poubelle, la chanson culture poubelle de leur album Il faut repeindre le monde en noir. Alors, une chanson, comme j'ai dit, avec des petites parties qui rappellent un peu de l'orgue qu'on jouait en église quand on allait à la messe de minuit à Noël. En tout cas, il nous reste juste 2-3 minutes, le temps de faire jouer une dernière chanson. On va jouer une chanson de Scott and Panic People de l'album Lâcher les bombes, la chanson des hommes nouveaux. Le groupe, en fait, ils ont tiré un clip pour cette chanson-là. Vous pouvez trouver ça sur leur site web ou sur YouTube. Faites une petite recherche pour Scott and Panic People, des hommes nouveaux. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit bien la semaine prochaine. À la même heure, même station de radio, ça sera de l'excellente musique. J'espère que vous passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Salut. I'm gonna pass out of here.